Avec Audiolib, Véronique Olmy lit son nouveau roman. Une lecture intime, la chronique d'une époque. Mai 68, tu croyais que c'était quoi ? Tu te souviens seulement que maman faisait des réserves de sucre et qu'on trouvait plus d'essence ? Mais le monde se réveille, Hélène ! Une voix juste et puissante. Les évasions particulières de Véronique Olmy, disponibles en librairie et sur audiolib.fr. France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La course automobile de Formule 1, c'est des pilotes stars, qu'ils s'appellent Alain Prost, Ayrton Senna ou Michael Schumacher. Quelques circuits mythiques, des équipementiers, des motoristes et des écuries qui, comme Ferrari, Lotus, Brabham et McLaren, ont fait la légende de la F1. Derrière ces noms prestigieux, dans l'ombre de ceux qui montent sur les podiums, des mécaniciens bien sûr, mais avant eux, des ingénieurs dont le grand public ignore souvent le nom. C'est eux que mettait en lumière le dernier des épisodes de la série qu'en 1985, les Nuits Magnétiques consacraient à la Formule 1. Plus particulièrement, Colin Chapman, fondateur à la fin des années 50 de l'écurie Lotus et concepteur des monoplaces qui ont fait la gloire de Jim Clark qui trouva la mort au volant de l'un de ses bolides. Il faut dire que, considéré par les passionnés et les spécialistes de Formule 1 comme le plus génial des concepteurs de voitures de course, Colin Chapman avait aussi la réputation de faire parfois passer les performances avant la sécurité des pilotes. Quatrième et dernier des vrombissements d'une série des Nuits Magnétiques, le Grand Cirque de la Formule 1, une émission diffusée la première fois le 21 juin 1985 sur France Culture. Bonsoir. Ce soir, et toute la semaine, le grand cirque de la Formule 1. Jean-Philippe Domecq, Laurent Condominas, Mehdi El Hadj, Alain Berthet, avec Johnny Rive et Jean Tinguely. Devant la ligne de départ, un homme agite une pancarte. 3 minutes. Entre les voitures, les mécanos, filles, journalistes, s'agitent plus nerveusement. Les officiels font signe de dégager la piste. On commence à refluer vers les stands. Les parapluies couvrent les cockpits. Celui-là, rouge et vert, avec une griffe blanche répétée sur le vert, est pareil pour la tenue du mécano qui le tient. Chaleur, ombre nette des silhouettes au sol. Des reflets filent le long des flancs métalliques et à la courbure des casques. Les casques bougent peu, s'inclinent parfois, ou pivote lentement. C'est le seul mouvement lent sur la piste. Dans l'autre Lola, Lorenzo réajuste son casque, troisième fois qu'il le fait. Il ne s'est jamais qualifié en si bonne place, deuxième ligne. Mariella est près de lui. Jeunesse, promesse. Jim n'écoute plus ce que Dan lui dit. Entre les ombres aiguës des ailerons et des pneus, celle de Mariella sort du cercle du parapluie, revient se pencher sur Lorenzo. Jim hoche la tête et Dan fait signe au mécano. Il reflue. Mariella se faufile vers les stands. Il n'en reste donc quelques instants de 2 minutes avant de pouvoir faire ce tour de mise en formation très exactement. Et ensuite, nous reviendrons devant nous, devant le directeur de course, et devant bien entendu l'archer au tour suivant pour... Les arcs de béton coiffent les tribunes, répétant « Hollywood, Hollywood ». Jim baisse les yeux. Et sur la roue couchée là, « Goodyear », avec le sigle de la chaussure ailée entre les deux mots. Et entre les roues s'accélère le balai des semelles de sport. Il y en aura de moins en moins à courir ainsi. Les commissaires font dégager la piste. Jim sent l'étoffe s'humecter à l'alvéole des yeux. Il lève les paupières. Le panneau 1 minute ne devrait pas tarder. Le ciel est sombre et lumineux. Bleu sombre, presque mauve avec la visière. 1 minute. Dans 1 minute, le tour de chauffe. L'homme au-delà des ailerons brandit son panneau avec insistance. C'est le signal. Contact moteur. Légère saccade à l'accélérateur. Les aiguilles bondissent au cadran noir. Et derrière la vitre, les carrosseries immobiles frémissent parmi les voiles de combustion. Quelqu'un bondit, s'accroupit pour risquer une dernière photo avant de l'étaler. Un homme à brassard rouge est avancé, reprend place parmi ceux qui attendent derrière la ligne jaune. Bras croisés, bras de chemise, verre fumé, casquette, short, soleil dans le nez. Entre les voitures, plus personne, plus un transistor, plus un tuyau, plus un chiffon. Quelques taches au sol blêmies de chaleur. Chaleur à la jointure des doigts qu'il serre au volant. Il sent l'épaisseur du volant et étendant les bras, il en sent la dureté. Alors seulement revient le calme, perdu pendant quelques heures. La sueur autour des tempes lui paraît fraîche. Il a son petit colère. Dans le rétroviseur, les formes tremblent, drapées d'ondes grises. Le bulbe des casques bouge moins que jamais, les sombres visières aux aguets. 30 secondes, dernier panneau, agité de gauche à droite, sur fond de foule. Le moteur dans son dos, parfait murmure, qui lui remonte à la nuque, fait vibrer le casque. Les autres murmures se pressent vers l'oreille bouchée de boule-gomme, comme s'il entendait parler nerfs, comme une foule qui s'exclamerait. Autour, la foule et les bâtiments reculent et se brouillent en vapeur d'essence. Les parois insonorisées du casque et les bandages et les gommes n'atténuent plus guère le grondement mécanique. Des milliers de chevaux tenus immobiles. Dernière seconde, avant que s'allume le feu rouge au panneau sombre. Après quoi, dans un intervalle de 4 à 10 secondes, le feu passera au vert. Quelques secondes, entre tout de suite et bientôt, Quelques secondes, maintenant et toujours. Quelques secondes, et le reflet au casque ne bouge plus. Reflet de lumière sombre. Ombres appuyées. Jean Tinguely, sculpteur. J'ai étudié par exemple les ailerons avant, les supports d'ailerons derrière les roues avant, ce petit dispositif d'aileron vertical derrière les roues avant. C'est superbe, c'est tellement génial, ça donne une espèce de bizarre appui, ça règle, ça doit régler aérodynamiquement un petit problème que les autres n'ont pas résolu. L'aileron avant horizontal et les deux ailerons verticaux derrière les roues et derrière les prises d'air pour les freins avant sont fabuleux et sont dignes de Colin Chapman. C'est presque pour moi la preuve que Colin Chapman n'est pas mort. Ah, et s'il n'est pas mort, est-il... En tout cas, il est vivant dans cette suspension. Il est vivant dans cette suspension, c'est sûr. Il est vivant dans plein d'aspects de la Formule 1 actuelle. Ouais. Mais est-ce que le mythe, justement, le flou entourant sa mort ou sa non-mort, oui, ne cache pas une intervention de deuxième main? Par exemple, s'il était toujours vivant, est-ce qu'il ne s'occuperait pas de la Formule 1 de loin? Est-ce qu'il n'aurait pas un homme de paille? Chapman, il était toujours pas l'homme de paille. Il a toujours eu des fantômes entre lui et la ferraille, et la quincaillerie. C'était un rêveur, c'était un fantastique. Il travaillait la nuit, lui. Il se réveillait la nuit avec les idées. Ça me rappelle un autre personnage, Yves Klein, Yves le monochrome, qui est très proche de Chapman, en quelque sorte, avec d'autres dimensions. Et évidemment, personne n'est proche de personne. Mais disons, Yves Klein avait quelque chose de tellement fabuleux dans ses rêves, que voilà, au fond, aussi une chose où j'ai toujours encore des difficultés à croire qu'il est mort. Et c'est peut-être simplement la fabuleuse personnalité de Colin Chapman, cet extraordinaire donneur à la F1, le novateur numéro 1 de la F1, qui est difficile à imaginer disparu. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que l'absence d'aileron contribue beaucoup à la plus grande beauté de la Lotus de 1965? Je suis sûr que c'est un élément de beauté, parce que l'aérodynamisme n'est de toute façon pas faisable sur une F1 avec les roues libres. c'est faisable sur un prototype, comme on vient de les voir au 24 heures du Mans. On voit que c'est une unité aérodynamique claire sur les Porsche et sur les Lancia. Mais sur la F1, il n'y a rien à faire. L'aérodynamisme restera toujours aléatoire. Il vaut mieux le supprimer et garder la voiture pure comme celle de Lotus 65, la 2533, pardon. La 2533, oui. 2533. Ce sont probablement les deux bolides les plus purs de l'histoire. On peut le croire, non? Oui. Colin Chapman, le père des Lotus, est mort il y a 3 ans. Ça a été un choc pour le monde de la Formule 1, parce que ça a été l'ingénieur roi de la Formule 1. Un tel choc qu'on a murmuré, on continue parfois à murmurer, qu'il n'est pas vraiment mort, qu'il serait allé s'enfuir en Amérique latine. On ne sait pour quelle raison. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que ce n'ait été un choc que pour le milieu de la Formule 1. Moi, je m'attendais à ce qu'on en parle comme de la mort d'un très grand artiste. Je pense qu'on s'en avisera un jour. C'est peut-être l'un des plus grands artistes de la seconde moitié du siècle. Pourtant, évidemment, on se dit, bah quoi, c'est un ingénieur mécanique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé des monoplaces de Formule 1. C'est pas un domaine apparemment noble. Mais c'est quand même assez fascinant, cette figure d'inventeur, parce que inventer dans la Formule 1... C'est inventé dans un monde où il y a des milliers de contraintes. Il faut trouver la meilleure performance, le meilleur aérodynamisme, la meilleure stabilité, la meilleure pénétration dans l'air, le meilleur coefficient de pénétration dans l'air par rapport à la tenue de route dans les virages. Les paramètres économiques, les paramètres techniques sont très pesants. Et pourtant, à chaque fois qu'on a trouvé une invention, à chaque fois qu'on a vu les inventions de Chapman, on s'est dit, mais oui, c'était si simple. Et le génie est toujours simple. Quelles inventions? Ben, par exemple, quand en 62 est apparue la Lotus 25, dont nous parle Jean Tinguely, c'était une monocoque. C'est-à-dire que jusqu'ici, les châssis étaient métalliques, par des petits croisillons métalliques. Et puis lui, il s'est dit, ben, pour gagner du poids, on va servir des réservoirs, puisque de toute façon, il faut qu'il y ait des réservoirs d'essence. Alors il a fait une coque tout au long du châssis, et il a supprimé les treillis métalliques. Gain de poids. Gain de finesse également, l'aérodynamisme. L'invention est un petit peu diabolique quand on la regarde sur ce qu'on appelle les écorchés. C'est très beau, les écorchés mécaniques. On voit la Lotus, puis on la dessine très précisément, et puis on montre toutes les parties, la carrosserie, la coque, le siège, les pédales, le moteur, tout est montré en écorché. Et on s'extasie devant les écorchés de la médecine du XVIIIe siècle. Je trouve que là, il y a un très bel écorché. Et je disais que l'invention était un peu diabolique de la monocoque, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que le pilote, il est allongé dans un baquet d'essence. Il y a eu une autre invention, ça c'était les années 60, il y a eu une autre invention formidable de Colin Chapman, c'est le fameux effet de sol. Et pourquoi c'est génial, l'effet de sol? Eh bien, l'obstacle majeur pour celui qui construit le fuselage, la carrosserie de la Formule 1, c'est l'air, puisque l'air empêche la voiture d'aller vite, il faut pénétrer l'air le plus vite possible, le plus finement possible. Mais l'effet de sol, ça consiste à faire circuler l'air sous la voiture, de le rattraper pour le rabattre et plaquer la voiture d'autant mieux, ce qui fait un gain de tenue de route, mais aussi un gain de puissance, puisque la voiture portant d'autant plus fort sur le sol va aller d'autant plus vite. C'est-à-dire que l'obstacle, le frein, est converti en tremplin. Oui, Chapman, c'est vrai, c'est l'ingénieur, c'est le créateur de voitures, c'est l'artiste aussi dans c'est un meneur d'hommes, car créer un tel engin à partir de sa propre idée et persuader commanditaires, pilotes, mécanos, tout le monde, que ça va marcher, que ça va aller loin, même si on n'a jamais fait comme il l'avait fait avant. C'est sûr, c'est un meneur d'hommes. En plus de ça, c'était un homme qui savait faire passer le message autour de lui, autour de son aventure. C'est un homme qui savait faire participer tout le monde à sa propre victoire. Et Dieu sait s'il en a eu, puisqu'il avait, à un moment, au moment où il est mort, ils avaient à peu près autant de voitures, les Lotus, que les Ferrari. Et à ce sujet-là, il y a la signature de Chapman qui était extraordinaire. Quand sa voiture entamait le dernier tour en tête, il s'approchait de la ligne d'arrivée avec tous ses mécanos, comme on fait, et il était toujours coiffé d'une casquette noire. Et dès que la voiture franchissait la ligne d'arrivée, il prenait sa casquette et il la balançait en l'air très haut. Autant de victoires, autant de casquettes, autant de collectionneurs anonymes qui se partagent les reliefs assez extraordinaires, qui se sont partagés le corps, l'hostie de Chapman, on pourrait dire. C'est vrai qu'on pense jamais aux ingénieurs, on pense aux pilotes, on pense aux marques. On n'imagine pas qu'il y a quelqu'un qui est là, qui doit travailler non seulement à rendre la voiture la plus rapide possible, mais qui doit le faire au milieu de contraintes extraordinaires, des contraintes scientifiques, des contraintes techniques, mais également des contraintes juridiques, parce que le règlement, c'est trois bottins à peu près comme volume. Et à ce sujet-là, il y a d'autres grands ingénieurs. Il y a l'histoire de ce jeune homme qui était une sorte de beatnik qui arrive de l'hémisphère sud, la vraie cigale. Il faisait de l'autostop à travers l'Europe, il avait fait le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, il arrive en Europe, il continue, c'est la fin de l'été, il se retrouve en Angleterre et il se dit, bon, bah, faudrait peut-être que je trouve un petit boulot. Et un hasard l'a amené devant un garage où on disait, cherche homme de main pour nettoyage. Il rentre dans le garage, il demande le boulon, il dit oui, d'accord, bon, il balaye un petit peu. Et puis, les gens autour de lui avaient l'air très sympathiques, il s'intègre bien. Et puis, il y en a un qui lui dit, tu sais tirer des traits, tu connais les angles droits, les équerres et tout ça. L'autre dit, ouais, je peux essayer. Bon, il commence à tirer des traits, à faire un peu des plans ici et là. Au bout d'une semaine, changement de direction, changement de propriétaire. Le type qui l'avait engagé s'en va. Le nouveau propriétaire arrive dans la maison, voit le personnel qui reste et dit il y en a un qui s'est tiré des traits là-dedans. Alors notre beatnik dit oui. Bon, bah, tu seras l'ingénieur. C'était Gordon Murray, l'ingénieur de Brabham, le second de Bernie Ecclestone, le créateur des Brabham qui ont amené Piquet à être deux fois champion du monde, l'homme qui a permis à Loda de renouer avec la victoire quand il est revenu, l'homme qui a inventé cette chose extraordinaire qui s'apparente à l'effet de sol de Chapman, qui était simplement un immense ventilateur plaqué sur la bagnole, qu'il a rivé au sol. Loda a gagné. Le seul désavantage de cette technique, c'est que si elle rivait la voiture au sol, elle projetait tous les gravillons à la tête de l'adversaire qui suivait. Il y a Gérard Ducarouge, le grand ingénieur français, qui est un petit peu dans la traînée de... c'est notre Gordini moderne, peut-être, avec cette différence qu'il est beaucoup plus spécialisé. Et tu parlais de Chapman et de la réglementation. La dernière voiture qu'il a faite, avant de mourir, est extraordinaire, parce que les commissaires ont fini par l'interdire. En même temps, on n'a jamais trop bien su si elle était réglementaire ou pas. Johnny Reeve, l'équipe. À Monza, les pilotes, c'est un des rares circuits où il est presque nécessaire que les pilotes arrivent en hélicoptère pour échapper à traverser cette marée humaine un peu incontrôlée. Là, la mer est calme, et puis dans cette mer calme, il peut y avoir une vague très très méchante qui va surgir d'un seul coup, et puis faire quoi, on sait rien. Demander des autographes, c'est gentil. Mais ça peut aller plus loin. Pour avoir un souvenir, on peut essayer de dérober le casque. Oui, tomber à l'arrivée du Grand Prix de Sainte-Marine, après sa victoire sur Patrese, justement, un champion italien, tomber français sur Ferrari, avait failli se faire arracher son casque de sa tête, alors qu'il était encore en voiture. C'est peut-être en pensant à ça que cette année, Prost est tombé en panne d'essence. Anna a été déclassée du Grand Prix de Sainte-Marine parce que, lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée, il s'est dit « je m'arrête ». Pour garder le peu d'essence qu'il y a dans le réservoir pour être sûr que la voiture faisait son poids, 540 kg. Et puis il s'est dit, non, ça va faire comme Tambay l'autre année, quand il s'est arrêté, lui, en panne, parce qu'il n'avait pas pu faire autrement, en panne sèche, et que les tifosi avaient envahi le circuit, et par enthousiasme, avaient un petit peu bousculé Tambay. Il a dû se dire, il faut que j'essaie de rentrer, sinon ils vont pulvériser l'auto pour prendre un morceau d'aileron, un truc, un souvenir, le volant, machin. Et puis, il a brûlé les deux derniers litres d'essence qui lui restaient dans le réservoir. Et quand on a mis la voiture sur la bascule, elle pesait 538 kg au lieu de 540, et puis voilà, exclu. C'est là que le fétichisme est poussé à son comble, quand même. On essaye d'arracher les stickers des combinaisons, les bouts de combinaison, les chaussures, les gants, tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il existe partout le fétichisme, mais il s'exprime un peu plus violemment. Je me souviens qu'à Watkins Glen, les mécaniciens... c'était la dernière course de la saison, et donc les voitures en fin de saison sont remises en cause, l'année d'après on va en construire une autre, etc. Alors ils profitaient de tout ce qui avait été cassé aux essais, les petits bouts de plastique, les morceaux d'aileron, tout ça, et ils les vendaient au public au soir de la course. Alors le public passait dans le garage des Formule 1, et alors ils vendaient leurs t-shirts, ils vendaient les visières de casque intégrales usées, un petit peu rayées, avec le nom du sponsor qui était très reconnaissable, de Loda ou d'un autre, de Schecter, ou de, la visière était très reconnaissable, il était clair que c'était celle de Schecter ou celle de Pironi. Ou celle... Et les mécaniciens se faisaient un petit bacchiche comme ça en vendant les petits surplus usés. Qui restaient, c'était admis dans toutes les équipes. Bon, bah, ils se faisaient leurs petites étrennes en fin de saison. Alors, ils vendaient $1 le t-shirt un peu taché de Schecter, ou bien la visière du casque de Peterson, ou bien l'aileron cassé de Lafitte. Ou, voilà, c'était marrant. Passage rapide, filet ligne droite. Deux voitures simultanées. Alors l'esthétique se pratique d'une façon étrange chez les pilotes. La grande mode, c'est d'être la femme du peintre de la croix, d'avoir sa robe, en l'occurrence la combinaison, qui s'arrête au niveau le plus bas des hanches, retenu par, un peu à la manière des Japonais, par une ceinture très très basse, et qui, au lieu de laisser voir la nudité, laisse voir l'homme normal. Car en dessous de sa combinaison, tout au moins pendant les essais, on peut voir un t-shirt, on peut voir une chemise, on peut voir presque un pantalon de ville. Il y a donc une tricherie de la nudité. La nudité du pilote consiste à ne plus être le pilote et à avoir sa combinaison en moins. Rares sont les pilotes qui prennent des motifs trop chargés, comme en moto. Il est très rare que le choix du dessin du casque vienne du pilote lui-même. Ça arrive, mais en général, ils font faire. J'ai un copain qui est peintre, ou j'en ai un qui travaille dans une agence de publicité, ou j'ai celui qui m'a proposé ça. Ou alors c'est le hasard. Par exemple, Lafitte a un casque vert sombre, parce que quand, avant de courir, il admirait Rindt, qui avait un casque vert sombre. Et quand il a couru, il a acheté des casques vert sombre. Il n'y a pas à les peindre, ça se trouve. On trouve des casques blancs, des casques rouges, des casques vert sombre. Il a choisi les vert sombres pour avoir un casque comme Rindt. Et depuis, il est resté fidèle. Par contre, il y en a d'autres qui ont des couleurs un peu compliquées. Prost, il a du blanc, du bleu, un peu de rouge. Je crois que c'est chez Elf, des gens de la publicité qui ont conçu le dessin de son casque, comme il l'avait fait pour Depailler, comme ils l'ont fait pour d'autres. Parce qu'on peut, mes souvenirs personnels me rapportent à ça, on peut s'enticher d'un pilote uniquement à cause du dessin de son casque. Le casque de Graham Hill, qui était très beau, noir, avec des bandes verticales blanches, m'avait vraiment séduit avant de connaître ses résultats, avant de connaître la personnalité. Pourtant, il avait reproduit sur son casque de pilote de course les couleurs de ses, je sais pas comment on appelle ça, bonnets de rameur. Il avait été rameur, il a été champion olympique de rame. Rowing Club de, je sais pas où, de London, en Flandre. Et leur tenue de rameur comportait un bonnet, une casquette bleu marine avec ses petits traits verticaux blancs. Et c'est ainsi qu'il avait peint son casque, tout naturellement, par fidélité à son ancien club, à son ancien sport. Et également Jean Béra, qui avait sur son casque le fameux damier. Quelle est l'origine du damier ? Je sais pas, c'est le drapeau qui signale la fin des courses. signale la victoire aussi, oui, mais... Oui. Pour tout le monde, il n'y a pas que le vainqueur qui reçoit le drapeau à damier. Le 17e à 14 tours, et on l'arrête aussi au drapeau à damier. Et bon, à l'époque, c'était quelque chose d'assez facile. Béra, il n'était pas le premier à avoir un casque. À l'époque, les casques étaient très très simplement peints. Ils étaient blancs ou bruns ou bleus, en général unis, où le type qui avait beaucoup de fantaisie agrémentait son casque d'une bande d'une autre couleur, soit dans le milieu du casque, longitudinalement, soit sur le qui faisait le tour du casque horizontalement. Un casque marron pouvait être cerclé de blanc, oui. Ou vice versa, un casque blanc cerclé de bleu. Les pilotes. Même quand ils étaient dans la voiture, ils étaient manches courtes, ils dégageaient bien, ils émergeaient bien du cockpit de leur voiture. Mais enfin, malgré tout, pour les voir de loin, Fangio avait un casque brun, on le reconnaissait bien à son casque de loin. On savait que c'était pas Moss qui avait un casque blanc. Bon, alors Béra, il avait décoré son blanc avec un petit drapeau à damier qui le ceinturait, le casque, il faisait le tour. C'est une manière comme une autre de se faire. Michael Thorne avait parfois son nœud papillon aussi en course. Toujours son nœud papillon. Il courait avec un nœud papillon. D'ailleurs, il y a toute une évolution du casque. Avant qu'on en arrive à la visière, il y a eu le moment où certains ont mis un foulard blanc sous les lunettes, dans la partie inférieure du visage. Clark, par exemple, était assez impressionnant dans les années 66, 67, 68, avec ce bandeau blanc. Là. C'est comme si, en sport automobile, on côtoie le danger, mais on a une certaine pudeur à afficher qu'on s'en protège. Il a fallu rendre le casque obligatoire pour que les pilotes se casquent. Très très rares étaient les pilotes casqués en 1950, où le casque n'était pas obligatoire, il est devenu obligatoire en 51. Et en 50, il y avait une certaine pudeur, les pilotes avaient tendance à rouler avec des visières, des serre-têtes en tissu, simplement comme ça, ce qui était follement dangereux, que la voiture se retournait et puis se fracassait la tête par terre. Alors bon, le casque a évolué comme ça. Alors, la mode, alors on s'appuie sur la mode. Après les tout petits casques des années 50, les Anglais ont créé un casque qui rappelait un petit peu le casque des pilotes d'avions de chasse à réaction. Alors tiens, on a mis ces casques-là, mais c'était plutôt... On avait le prétexte de la mode pour dire, je prends un casque qui va un petit peu trancher par rapport à ce qui se fait jusque-là, pour avoir une gueule, un peu plus de gueule que les autres. C'est la mode, mais en fait, ça protégeait mieux. Après, avec ces casques qui entouraient bien les oreilles, etc., on est passé au casque intégral. There's something I have to prove. Keep on going, baby. You know if I stop now, I'm bound to lose. To the limit, here we go. From the bottom to the top. Gonna tell all of my friends. Say I can run and then they try. Some move more quickly and know they can stand the pace. Others were sober, they get there just the same. I know I went first, I'm not just a place. Keep on pushing, baby. You know I've been working to do what I have to do. Keep on pushing, baby, till I know I get through. It's more. From the bottom to the top, gonna tell all of my friends. Say I can race on and let try. Some move more quickly and know they can stand the pace. Others more sober, they get there just the same. I know I went first and not just a place. Keep on pushing, baby. Nice and easy do it. for you. To the limit, here we go. From the bottom to the top. Gonna tell all of my friends. Say it to rest and then they try. Quand on est sur un circuit, on se rend compte que des moyens considérables sont concentrés là, dans ce que la technologie est en train de produire, même, puisque des choses sont en train de se faire de plus sophistiquées. Et les hommes eux-mêmes portent sur eux des combinaisons, des parures également très sophistiquées, mais qui vont toujours en rapport avec la mécanique. Oui, avec la mécanique et avec le commercial. Par exemple, sur la combinaison, il y a un certain nombre de sticks, hein, ce qu'on appelle des badges publicitaires, pour lesquels chaque pilote sont payés très cher. Et évidemment, plus le pilote est performant, plus il peut faire payer cher. Par exemple, dans le contrat que Niki Lauda envisageait de négocier avec Renault pendant l'automne 84, contrat qui a fait couler pas mal d'encre parce qu'il était question de lui octroyer 2,5 milliards d'anciens francs, Lauda avait fait établir dans le contrat qu'il avait liberté de combinaison. C'est-à-dire que tous les badges et tous les slicks qui viendraient sur sa combinaison seraient à ses frais. Or, par exemple, pour la casquette Michelin, il a touché, pour afficher cette casquette Michelin sur sa tête, il a touché pas loin du milliard. Quant à ce monde de la technologie extrêmement sophistiquée, en effet, c'est une technologie si sophistiquée que, par exemple, on sait que le moteur TAG Porsche, qui est un moteur très très beau à voir en photo, par exemple, on a une image du degré de sophistication, ne serait-ce que par le nombre de paramètres qui sont impliqués pour le fonctionnement de ce moteur. Autre point, avec le problème de la consommation d'essence, on est en train de monter des systèmes d'informatique de plus en plus sophistiqués dans la voiture, pour que le pilote sache non seulement ce qui lui reste comme quantité d'essence, mais aussi le nombre de tours qu'il peut faire, puis la consommation qu'il a dépensée dans le tour précédent, donc à quelle vitesse il peut aller dans les 5 tours suivants, etc. Donc ça aussi, c'est un monde très très perfectionné. Le moteur TAG Porsche est susceptible d'utilisation dans le domaine de l'aviation. Et c'est sans doute comme cela que va se reconvertir le financement de Holger Mansour dans ce moteur. Mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas que l'investissement de la high technology. Il y a aussi l'investissement mental au niveau de la pensée juridique humaine. L'organisation d'un Grand Prix représente une formidable dépense de cette pensée législative. Dépense au niveau de l'organisation, au niveau de la réglementation, au niveau de la mise en commun de toutes ces équipes, au niveau de la sponsorisation, au niveau de l'organisation horaire pour les chaînes de télévision internationales, etc. On en vient presque à penser que a lieu, pendant cette période du printemps, de l'été, de l'automne, chaque année en Europe et en Amérique, a lieu peut-être le grand événement vers lequel a conduit le progressisme occidental, ce qui peut paraître d'ailleurs assez absurde. Mise au point d'un moteur de qualification Renault. Température d'huile aux alentours de 100 degrés, encore très froid donc. L'âge d'utilisation s'élargit. Accélération à la main. La passe de 9000 à 10000 tours. En dessous de 9000 tours. À 110 degrés. C'est bon. À 10200. Ça fait très longtemps que tu suis le circuit, ça fait des années et des années. 35 ans, oui. 35 ans. Mince alors. À genoux, à pied, en stop, en n'importe comment. Oui. Et avant, c'était plus facile. Il devait y avoir moins de spectateurs, donc les pilotes et les écuries devaient être plus approchables. Je crois, oui. C'était beaucoup. Oh, à présent, évidemment, ce sont des stars, ce sont des porteurs. C'est dans les médias, c'est caché. Ils sont très, très sollicités. Ils sont épuisés à force de répondre aux questions. Et je comprends que ça a changé. Ils n'ont plus le côté nonchalant de la belle époque, du Farina, du docteur Farina, de Tullo de Graffenried. On voit encore aujourd'hui Fangio sur le circuit, il est toujours encore comme cette génération était, ils sont encore gentils, relax, et ils aiment bien regarder les choses, ils vont visiter. Jackie X a gardé ça encore, ils sont capables d'avoir le temps d'aller visiter, s'ils avaient un Grand Prix à Barcelone, par exemple, d'aller voir la Familia Sagrada de Gaudi. Et ça, aujourd'hui, je crois que Niki Lauda, hein, après les courses, hop, dans les lits, et dans son avion, et c'est parti. Pendant l'année, ces 26 pilotes se retrouvent sur 15 circuits dans le monde. On pourrait croire qu'ils voient beaucoup de pays. En réalité, ce sont toujours les mêmes circuits, les mêmes pays, autour des mêmes circuits, les mêmes hôtels. Entre eux, ils se voient, 26 mêmes personnes, les sponsors, les managers, les techniciens. Donc c'est un monde qui se déploie sur la planète et qui en même temps est complètement clos. Et c'est un monde aussi, une forme de nomadisme, non seulement international, mais dans son internationalisme, très abstrait. Parce que, je répète, ce sont toujours les mêmes circuits, ce sont donc quand même des tracés abstraits dans la nature ou dans les villes. Les hôtels sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire les plus confortables possibles, pouvant accueillir le maximum de presse, les mieux sonorisés pour les interviews. Les filles qui tournent autour, les groupies, sont toujours des groupies plus ou moins préparées aussi par les sponsors, les compagnies. Bref, c'est un monde répétitif qui est ouvert sur le monde et qui en même temps est complètement clos sur lui-même. I'm different, I don't care who knows it. Something about me, it's not the same, yeah. I'm different. That's how it goes. Ain't gonna play your goddamn game. Got a different way of walking. I got a different kind of smile. I got a different way of talking. Drives the women kind of wild. Yeah, who knows it? Something about him. It's not the same, yeah. He's different. That's how it goes. He's not gonna play your gosh darn game. I ain't saying I'm better than you are, but maybe I am. I only know that when I look in the mirror, I like the man. We like the man. I'm different, I don't care who knows it. Something about me, it's not the same, yeah. I'm different, that's how it goes. Ain't gonna play your goddamn game. When I walk down the street in the morning, bluebirds are singing in the tall old tree. They sing a little song for the people, they sing a little song for me. Thanks, fellas. I don't care who knows it. Something about me is not the same, yeah. I'm different, that's how it goes. Ain't gonna play no boss man's game. J'ai pas souvenir de course particulièrement plus une que l'autre marquante auquel j'ai assisté, mais j'ai un souvenir ému d'une course à laquelle je n'ai pas assisté. C'est le Grand Prix de Monaco 72, gagné par Jean-Pierre Beltoise, qui a mené de bout en bout sous la pluie battante un circuit difficile, une voiture qui n'était pas théoriquement faite pour être à l'aise dans des conditions de pluie. Son moteur n'était pas spécialement souple, etc. Et bon, j'ai pas fait ce déplacement-là à l'époque, j'ai suivi à la télé. Et j'étais épaté, j'étais complètement épaté par le comportement de Beltoise, qui a maîtrisé les éléments de façon magistrale. Il a fait un sans faute, impeccable. Il avait derrière lui des Jackie X, un seigneur de la pluie, disait-on. Fittipaldi, Stewart, des types qui vraiment avaient du talent et de l'expérience. Et il a maîtrisé tout ce beau monde très très joliment. Et je pense qu'il a dû ce succès à un fait. C'est-à-dire que Beltoise a pendant toute sa carrière supporté le handicap de conduire avec une main seulement, ce qui n'est pas beaucoup pour conduire une Formule 1. Pourquoi ? Parce qu'il avait eu un accident au début de sa carrière à Reims. Il a perdu une grande, grande partie de l'usage du bras gauche, qui est bloqué à une certaine position. Et quand il change de vitesse, le bras gauche peut lui permettre de maintenir le volant en place, mais difficilement de tourner le volant. Alors quand il s'agit de braquer, de contre-braquer, il n'utilise que le bras droit. Et étant donné l'appui des voitures, la largeur des pneus, l'adhérence des autos, la direction d'une monoplace de Grand Prix est assez lourde, contrairement à ce qu'on croit. On croit que c'est quelque chose de léger. Il y a une telle adhérence, les pneus sont tellement agrippés, ils font ventouse par terre. Ils sont larges, basse pression, l'appui des ailerons, etc. La direction d'une voiture de course, c'est quelque chose d'assez lourd. Alors, le poids de la direction disparaît quand il pleut, puisque par définition, il y a beaucoup moins d'adhérence. Et là, une voiture devient beaucoup plus légère à conduire. Et le fait de conduire à une seule main quand la direction est légère est plus facile que quand elle est lourde. Et pour que Beltoise donne vraiment l'étendue de son talent, il aurait fallu que tous les Grands Prix soient disputés sur le mouillé. Malheureusement, c'est une chose qui arrive très très rarement. Et il n'a jamais loupé les occasions dans ces cas-là. Séance d'essai, samedi matin, à l'heure où débutent les essais libres, le ciel a viré du gris au noir et ses vannes se sont largement ouvertes. Rares sont ceux qui l'affrontent, car le paddock, comme la piste, est inondé. Puis, successivement, comme à regret, quelques moteurs se mettent en route et quelques courageux seulement vont prendre la piste. Tout de suite, les choses se gâtent pour Alboreto et Watson, qui perdent le contrôle de leur voiture dès leur premier tour. Mais alors que tout le monde rampe tant bien que mal entre 2 minutes 14 secondes et 2 minutes 18, Pironi, lui, vole. 2 minutes 10 secondes 9. Il attaque, et ceux qui l'observent, contrôlant avec autorité d'amples glissades, se disent « Quelle santé, il doit se faire plaisir ». Prost n'a bouclé que deux tours à allure réduite, et il s'apprête à rentrer à son stand. Sortant de la troisième chicane, il jette un coup d'œil dans son rétro et voit une voiture qui gagne du terrain sur lui. C'est la Williams de Daly. Dès qu'il m'a vu, raconte Daly, il a levé le pied pour me faciliter son dépassement. J'ai déboîté pour ne pas être gêné par son sillage. Derrière moi, Didier était aveuglé par le brouillard d'eau soulevé par mes roues. Quand il m'a vu déboîter, il a dû se dire que j'avais vu arriver. Que je lui laissais la place et il s'est engagé, sans pouvoir se douter qu'une partie du brouillard était soulevée par la Renault. Oui, c'était le piège. Et Didier s'y est engouffré, le pied à fond sur l'accélérateur, à une vitesse de l'ordre de 260 à 270 km/h, quelque chose comme 100 km/h plus vite que la Renault, quand l'arrière de celle-ci a soudain surgi du néant sous ses yeux. À peine le temps d'esquisser une manœuvre pour l'éviter, déjà la roue avant gauche de la Ferrari escalade la roue arrière droite de la Renault et l'arrache. Le choc. Et aussitôt après, j'ai vu la Ferrari dresser à la verticale, une dizaine de mètres au-dessus de moi, se souvient Alain Prost. Je n'avais plus de frein. La voiture continuait à rouler sur son air. La Ferrari a atterri, rebondi, effectué une deuxième cabriole par-dessus ma voiture, et puis je l'ai perdu de vue. Quand j'ai enfin réussi à m'arrêter dans le stadium, j'ai vite mis pied à terre et je suis parti en courant vers l'épave. Je me doutais que ce serait terrible. Quand Prost arrive sur les lieux, accompagné de Cheever, Piquet s'y trouve déjà et il aide Didier à enlever son casque. Le spectacle est effrayant. La Ferrari n'a plus d'avant. Didier gît dans ce qui reste de son baquet. Il grimace de douleur, mais c'est en quelque sorte rassurant puisqu'il n'a pas perdu conscience. Aussitôt, les secours arrivent. Pendant plus de 20 minutes, les médecins vont réduire avec précaution et compétence les fractures, atteler les jambes mutilées dans des gouttières, mettre le blessé sous perfusion. Ce ne sera qu'alors qu'il sera embarqué dans un hélicoptère vers l'hôpital de l'université de Heidelberg, où les chirurgiens vont l'opérer pendant plus de 6 heures. Sur le circuit, où règne la consternation, les rumeurs courent, comme toujours en pareil cas. Il faudra l'amputer, assure d'un air entendu les oiseaux de mauvais augure. Mais en fin d'après-midi, le service de presse diffuse un communiqué indiquant que l'opération a techniquement réussi. Depuis cet accident qui a eu lieu en août 82, Didier Pironi est allé d'opération chirurgicale en opération chirurgicale. Il porte des attelles. Mais nous venons d'apprendre que ces jours derniers, il a fait des essais secrets sur la piste de Silverstone au volant d'une Williams, que ses temps auraient été excellents, meilleurs que du temps où les Williams s'étaient équipés du fameux effet de sol qui fut interdit depuis parce qu'il portait les performances des voitures au-delà de la capacité des réflexes humains. Là où intervient l'improvisation, c'est que les conditions évoluent constamment. C'est-à-dire les pneus s'usent d'un virage à l'autre, les freins chauffent d'un virage à l'autre. Rien ne réagit vraiment comme le pilote s'y attend strictement. Il y a toujours une petite improvisation à donner, mais celle-ci doit être réduite au minimum. Il y a des tas d'informations qui lui arrivent par les yeux, notamment, c'est surtout la vue, mais également par le toucher, par le contact de son corps avec la voiture, etc. Il fait lui-même sa propre sélection, il va les trier, il va se concentrer sur les informations qui sont déterminantes pour son pilotage, pour oublier en même temps celles qui n'ont aucun rapport avec celui-ci. C'est-à-dire que si apparaît sur sa droite, en arrivant sur un virage où il est à la limite au freinage, quelqu'un avec une chemise jaune, il va l'apercevoir, cette chemise jaune, elle va éclater de lumière sur un fond d'arbre vert sombre, par exemple. Mais il l'apercevra et il fera le maximum pour qu'elle ne le distrait pas. Mais parce qu'on m'a dit qu'à Spa, l'un des pilotes, je crois que c'était Ayrton Senna, avait parcouru la piste à pied pour essayer de l'intégrer. Oui, ça se fait aussi. Quand on parcourt une route à pied, on peut s'arrêter, réfléchir sur la qualité du revêtement, l'angle d'inclinaison de la route, si elle est vraiment plate, si elle n'est pas plate, les éventuelles petites bosses qui la constituent. Et lorsqu'il va rouler dessus avec sa voiture de course, il se souviendra de telle ou telle constatation faite de visu, à pied, arrêté en réfléchissant bien, et il se dira, ah, tiens, c'est pour cette raison-ci qu'il se passe cela, donc si je braque là au lieu de braquer là, j'éviterai tel défaut ou je tirerai tel avantage, etc. On y gagne, faire un tour à pied, on y gagne. À bicyclette, je pense que si après son tour à pied, il faisait un tour à bicyclette, il aurait une autre vision qui compléterait ses informations. Le bon pilote est celui qui se garde la marge de manœuvre de l'ordre du centième de seconde, mais qui ne va pas au-delà de ce centième de seconde. Et c'est ça qui donne le sentiment, là aussi, qu'on pourrait appeler de l'esthétique du sport, c'est-à-dire le sentiment de l'audace poussée à bout, mais retenue quand même par un coefficient de maîtrise. C'est-à-dire que le circuit qu'il parcourt avec sa voiture se double d'un circuit mental, mais il y a toujours un contrôle de l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il ne conduit pas uniquement dans le mental. Il conduit aussi avec la piste. Oui. Alors, ceci dit, il y a plusieurs registres, plutôt que de registres esthétiques, je dirais registres de plaisir qui sont satisfaits selon les membres du public. J'ai remarqué que l'année dernière, au Grand Prix de Belgique 1984, Arnoux, sur sa Ferrari, a fait une remontée spectaculaire. Tellement spectaculaire qu'à un moment, il est sorti de la route, il est revenu et il a re-remonté de nouveau. Bon, et il y avait toute une partie du public qui appréciait, au fond, le côté fougueux de la conduite d'Arnoux. Par exemple, lorsqu'Arnoux attaque de façon très, très violente, on voit sa tête se rapprocher du volant, c'est-à-dire son casque blanc se rapproche du volant. Et là, on dit « Ah, ça y est, Arnoux est déchaîné ». Ça satisfait un certain public. Il y en a d'autres qui préfèrent au contraire, c'était mon cas, lorsque j'ai vu Lauda commencer à véritablement tenir la victoire à la portée de la main, c'est que lorsque Lauda attaque de façon généralement assez implacable, son casque perd tout mouvement. Et son casque, qui est de la même couleur que la McLaren, blanc à rayures rouges, se confond avec l'arrière de la carrosserie, et on a ce sentiment tout à fait étonnant qu'il n'y a peut-être personne dans la voiture, tant le casque se confond avec la carrosserie. C'est un autre plaisir esthétique, c'est un autre sentiment de l'exactitude. On a réussi à mettre au point les systèmes de sécurité tellement sophistiqués que je crois qu'à présent, c'est sérieux. Ils arrivent, par exemple, l'accident de Bunt à l'entraînement de Monaco, où la voiture se renverse, perd les roues tout autour de lui, et la coque tient le coup. Ou le châssis de la McLaren, qui, on a vu un accident de Watson il y a 3 ans, je crois que c'est d'ailleurs cet accident qui a décidé Lauda, Niki Lauda, d'aller chez McLaren. Il a compris que le châssis était le plus solide chez McLaren. Et ces châssis sont tellement solides que les gars sont à présent protégés. Et à présent, surtout, ils ont aussi les pieds protégés. Ah. Alors ça devient très sérieusement sécurisé. On peut parler d'un sport sûr. Passage plus ou moins rapide avec des moteurs froids. On vient de parler de la vue, de l'ouïe, mais un chien pourrait être un très bon spectateur de Formule 1, car l'odorat compte énormément. C'est une des choses qu'on ne peut absolument pas percevoir, évidemment, à la télévision. On n'en est pas encore là en technique. Mais selon que vous sentez, par exemple, le caoutchouc. Ah, le caoutchouc, ça veut dire que le pilote qui vient de passer a un peu allumé ses pneus, c'est-à-dire qu'il a perdu de la gomme, et que pour les tours suivants, ça va altérer certainement la tenue de route de sa voiture. Vous sentez une forte odeur d'huile de ricin. Problème dans la boîte de vitesse. Vous sentez une forte odeur de pétrole. La carburation, c'est-à-dire à l'heure actuelle, l'injection électronique de la voiture vient de se dérégler. Vous pouvez sucrer tout de suite le pilote qui est passé. Vous sentez évidemment la foule. La foule a peur, la foule est en colère, la foule est impatiente, la foule est calme. On le sent avec le nez aussi, très certainement. Et vous sentez les arbres. Ou vous sentez la mer, car Zandvoort, on est au bord de la mer. Le sable, les dunes voyagent pendant tout le Grand Prix. Et vous sentez l'iode, ou vous sentez au contraire les remugles de la ville qui est derrière vous. À ce moment-là, le vent a tourné. Et ça va très certainement influencer la course. Bon, deux choses pour la F1. Actuellement, ce que moi je pense, permets-moi de te le dire, je trouve qu'actuellement, il faudrait enlever les appuis. Il ne faudrait jamais limiter la quantité d'essence. Ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas beau de faire des économies run comme ils le font. Ça peut arriver d'un circuit à l'autre. Il y aura encore deux, trois courses comme ça où ça peut devenir ridicule, où ils tombent tous en panne d'essence. Il faudrait vraiment enlever l'appui pour refaire ces voitures au fond comme les anciennes. Tout appui aérodynamique supprimé pour voir ce que ça donne et peut-être faire des roues un peu plus petites. Bernie Ecclestone, dès 1982, avait inauguré le rituel des ravitaillements et en avait négocié l'attrait spectaculaire auprès des chaînes télévisées. Ce qui fit beaucoup pour augmenter le taux d'écoute pendant les retransmissions. On a appelé cela la magie des ravitaillements. La Formule 1 s'en est privée à juste titre, car tôt ou tard, le pire serait arrivé. Les pleins à haute pression s'effectuaient en moins de 15 secondes. Mais la formule carte américaine, qui ne s'en est pas privée, en tire un surcroît d'intérêt dont les reportages photographiques donnent une idée précise. Photos de ravitaillement donnent à voir des combats de science-fiction, où des mécanos d'amiante au casque vert fichent d'énormes tuyaux dans le bolide où attend le pilote, et l'air tout autour vibre d'essence. Le ballet des mécaniciens est si impressionnant que Renault en entoura sa dernière R11 Turbo sur la fiche de lancement. Magie des ravitaillements alors que, ou parce que, l'incendie est une hantise en sport automobile. Le danger est ce qui nourrit d'inquiétude la passion automobile, sans quoi il n'y aurait pas fièvre ni typhus. À l'évidence, l'asphalte tourne autour de la mort comme la bête meurtrière autour du torero. Avec cette différence, qui résume la logique éminemment moderne du sport automobile, il s'agit de frôler la mort en contrôlant la vitesse mécanique qui a remplacé la fureur animale. L'attention du public est donc centrée sur la maîtrise du risque. Jean-Philippe Domecq, le cas Lauda, le débat numéro 34. Thank you. Era mi estrella y me se apagó de ego. Ve ahí, viví la que me guiaba. Je ne sais pas si tu as réfléchi à ce qu'on peut entrevoir pour l'évolution de la Formule 1 sur le plan technique, où ça va. Est-ce qu'on aurait pu penser qu'il y aurait eu l'effet de sol, par exemple, quand on s'intéressait tous les deux à la Formule 1 quand on avait 10 ans, dans les années 60. Et je reviens d'ailleurs sur ce qu'a dit Jean Tinguely là, sur la consommation. Tout le monde en parle beaucoup en ce moment, on dit que ça limite... l'intérêt des courses. Moi, je suis pas sûr. Parce que j'ai remarqué, quand on regarde les 35 ans de l'histoire de la Formule 1, qu'à chaque fois qu'il y a un règlement, le génie de l'ingénieur trouve moyen de le sauter. On interpose des règlements. Tu disais tout à l'heure qu'il y a trois bottins de règlement de la Formule 1, puis à chaque fois, ils trouvent le moyen d'améliorer les performances et les voitures vont toujours plus vite. Alors, par exemple, la consommation d'essence en ce moment, c'est une idée que j'ai, je sais pas ce que t'en penses, mais... Il pense à l'électronique uniquement pour contrôler sur le tableau de bord. C'est-à-dire que le poste de pilotage d'une voiture, c'est d'une voiture de course, c'est très frustre jusqu'ici. Puis maintenant, ça va devenir un poste de pilotage d'avion. Bon, d'accord. Mais ça, c'est mettre un cataplasme sur la plaie. C'est pas soigner la plaie. Moi, je pense plutôt qu'on va aller vers, je suis presque sûr, dans 2 ans. L'ingénieur qui aura trouvé la bonne idée sera du côté de l'électronique à l'intérieur du moteur pour régler un meilleur dosage de l'essence et de l'air pour que la combustion nous amène à un rendement optimum avec un minimum d'essence. C'est-à-dire que l'électronique va devenir le moteur du moteur. Qu'est-ce que tu en penses ? Très très certainement, oui. L'électronique appliquée, elle est d'abord rentrée pour la chronométrie des performances. Ensuite, Ken Tyrrell avait fait des essais de suspension, de relevé de suspension grâce à l'électronique. Comme tu le dis, très certainement, elle va gouverner le moteur. Elle va, de toute façon, l'électronique, elle va de plus en plus envahir le circuit, puisque Bernie Ecclestone, récemment, disait dans l'équipe qu'il avait l'intention de reprendre son vieux projet d'installation d'écrans géants le long du circuit pour permettre aux spectateurs de suivre toute la compétition, c'est-à-dire qu'on serait du coup à la fois sur le circuit et à la télé. En plus de ça, il avait une autre idée que, pour ma part, j'apprécie pas tellement... C'est de donner, il dit, le bruit des moteurs couvre le commentaire du speaker. Tant mieux, en ce qui me concerne, tant mieux. Mais enfin, pour remédier à ça, il propose de vendre des casques, un peu comme au Louvre, visite du Louvre. Alors vous achetez le casque, vous le mettez sur la tête, et puis il vous raconte l'histoire en hollandais, en français, en belge, en suisse ou en luxembourgeois. Et là, bon, alors on aurait ça. Je crois qu'on vient d'entendre les voitures, on les a entendues tout au long de cette série, et le bruit du moteur est vraiment, c'est un plus, c'est un ajout indispensable. C'est quelque chose qui manque beaucoup, je trouve, justement, dans la narration télévisuelle. Bon, alors effectivement, ils auraient tous leurs casques et ils n'entendraient peut-être pas les moteurs. Ça serait quand même une situation extraordinaire. C'est pas sa meilleure idée. Par contre, les écrans géants, on a appris ça ces jours-ci. Ça, c'est quelque chose de très beau. Il va peut-être cacher aussi des pans de ciel, tant qu'il y est, pour nous montrer que ça tourne là-bas, de l'autre côté de la montagne des Ardennes, sur le circuit de Spa. C'est le cirque, hein. C'est vraiment le cirque, comme il dit. Il veut en faire le sport numéro un. On peut demander à quel point c'est encore un sport. On dit sport automobile quand on parle des courses en général, mais on dit voiture de course pour la Formule 1, tout comme on dirait voiture de course de chevaux. Est-ce que c'est un sport d'ailleurs ? Par exemple, est-ce qu'on dit que la tauromachie c'est un sport ? Une passe de tauromachie, c'est comme un aphorisme. C'est bon. Je me demande si la Formule 1 n'est pas en train de nous mettre devant un truc un peu embarrassant à penser pour notre époque. C'est-à-dire que C'est ce que... Moi, j'en viens me demander si c'est pas la seule réussite collective de notre siècle. Alors, tu me diras, je sais pas si c'est glorieux, hein. En tout cas, c'est une réussite, quand on peut dire. Quand on réfléchit de toute façon devant ça, on est assez perplexe, un peu comme le philosophe, tu connais cette anecdote de Hegel, qu'on amène pour voir une chaîne de montagne. Alors, il monte l'après-midi, et puis on lui monte la chaîne, il la regarde, et autour, il se demande ce qu'il va dire. Puis il dit, c'est ainsi. Alors, on est devant cette évolution de la Formule 1, en se disant simplement, c'est ainsi, on n'est pas plus avancé. Oui. Alors aujourd'hui, où on peut prévoir pour le sport 15 années, les 15 prochaines années en fleurs, pour ainsi dire, ça va devenir de plus en plus le centre de focalisation de l'attention des gens, parce que les règles du jeu sont très connues, elles sont faciles à retenir. Il faudra donc raconter, exprimer le déroulement. Puisque c'est le domaine par excellence de la narration actuellement. Il se passe quelque chose dans cette seconde et puis dans la prochaine et ainsi de suite. Il se passe quelque chose pour tel pilote, puis pour tel autre pilote. Plutôt que de raconter à la télévision le règlement, les contraintes de l'essence que tout le monde a pu comprendre dès le premier Grand Prix de la saison, il faudrait peut-être expliquer ce qui se passe, pourquoi tel pilote ralentit, pourquoi tel pilote aborde le virage d'une façon plus large ou plus serrée, peut-être rentrer déjà dans la personnalité du pilote, mais peut-être aussi voir, prévoir, en racontant le tour par tour, prévoir l'incident qui va forcément survenir quand on s'aperçoit qu'un pilote ne peut jamais repartir fort en sortie de virage, par exemple. il a sans doute une vitesse en moins, sans doute la deuxième, ou des choses comme ça. Le problème de la narration du sport va se dérouler. Il se trouve que il y a une chose formidable avec le sport, c'est quand on vous dit 2-0, c'est 2-0, c'est sans conteste. Et même si tout le monde est contre l'écurie ou contre l'équipe de football qui a gagné, on est d'accord, c'est le 2-0, la sanction est incontestée. Oui, c'est le feuilleton du XXe siècle. Tu sais, au XIXe, les gens écrivaient chaque jour au journal pour leur demander vite la suite du feuilleton qu'ils avaient lu la veille. Mais alors là, c'est dans l'état où on est, à la veille d'un Grand Prix d'ailleurs. C'est ce qui nous arrive, là. On en a après-demain. On en parle énormément. On va peut-être y revenir d'ailleurs, tu me parleras de tes pronostics. Mais, tout à l'heure. Oui, d'accord. Avant de prendre un verre. Mais tu disais prévoir. C'est vrai qu'à la télévision, le journaliste, on dirait qu'il nous fait voir. Mais il faut faire prévoir. C'est-à-dire qu'il faut montrer ça de l'intérieur. Il ne faut pas donner que des chiffres. Les chiffres, c'est passionnant. C'est passionnant aussi à lire, surtout. Hein. On aime beaucoup lire les chroniques de notre ami Johnny Reeve, par exemple. Mais il faudrait réaliser par les mots ce projet fou qu'avait Bernie Ecclestone, qui décidément est le Mephisto du milieu. Il avait le projet d'installer des caméras à l'intérieur du cockpit. Ça, je trouve ça plutôt mauvais, parce que ce qui fascine dans le pilote qui passe, quand tu suis une course et que tu paries sur tel ou tel, ou que tu admires tel ou tel, et tu regardes un individu casqué dont tu ne repères plus les traits physiques, la psychologie, c'est un rapport sans psychologie, c'est une fascination, si tu veux, d'individu anonyme, c'est ça qui est très bien. Alors, le faire rentrer la caméra là-dedans, c'est pas intéressant. Par contre, trouver des mots qui seraient l'équivalent de ce point de vue de la caméra à l'intérieur du cockpit. Oui, il faudrait reconnaître l'expression de chacun de ces personnages. Oui, il y a trois périodes, effectivement. Il y a la période Jim Clark, Jackie Stewart, qui étaient des travailleurs, des bosseurs, des discrets, qui ne disaient pas beaucoup, qui jouaient un peu... Jackie Stewart essayait d'être un petit peu lumineux, mais au fond, étaient des travailleurs infernels pour régler leurs machines. Alors qu'à l'époque, il n'était pas question, à l'époque de Fangio, il n'était pas question de régler une voiture. Ce n'était pas nécessaire, d'ailleurs. Il n'y avait rien à régler, il y avait très peu à régler. Les suspensions se durcissaient un tout petit peu ou pas. Les pneus étaient tous les mêmes, il n'y avait pas des pneus de qualification. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'imaginer qu'il y a des pneus. Ça, il faudrait supprimer. D'ailleurs, les pneus de qualification, c'est ridicule. Les moteurs de qualification aussi. Oh oui. Il ferait mieux de s'entraîner, de faire leur temps pour le grid, pour le grid de départ, avec le matériel qu'ils vont utiliser en course. Parce que ça change encore une fois un peu les choses, de se placer uniquement pour faire un bon temps aux essais. Et après, dans la course, on a plus le moteur, on n'a plus les mêmes pneus. Ce n'est pas un élément de sécurité. Pour augmenter la sécurité, il faudrait revenir à une formule plus simple, c'est-à-dire utiliser le même matériel aux essais qu'en course. Je pense que des hommes comme Gérard Grombach, Johnny Reeves, doivent penser proche de ça. J'ai vu que dans les milieux comme ça, proche de la F1, on commence à trouver ça un peu ridicule. Ce festival de pneus d'essai. Et il y en a, il part tous longs, et c'est deux jeux, et chaque fois il y a un qui a ses pneus, il a ses gommes pendant deux tours, et il suffit qu'ils soient un peu gênés, c'est foutu. C'est ridicule. Actuellement, il y a plus de dangers d'accidents dans les essais, ça c'est sûr, que dans la course. Et les essais deviennent de plus en plus spectaculaires et chargés d'intérêt, de signification. Je vous signale que vraiment les essais de Monte Carlo le jeudi, ça c'est un truc à pas louper parce que c'est fort la caisse tout de suite avec peu d'essence, c'est la gomme la plus douce, la plus collante. Et c'est tout juste. j'ai l'impression que ça colle vraiment. Mais là, en Grand Prix, quand ils partent et qu'ils ont plein d'essence, ils ont les 220 litres. Et qui parfois ils ont des pneus durs selon la température, on voit tout de suite que c'est tout autre chose, c'est plus la même voiture. Alors ça, c'est pas un facteur de sécurité. De prendre le départ en groupe comme ça, avec tous des voitures au fond qu'ils n'ont pas essayé. Parce que jusqu'aux derniers essais, ils ont uniquement essayé les gommes tendres et des super moteurs presque à 1000 chevaux, alors qu'en course, ils partent avec autre chose. Et après le Grand Prix de Spa, il semble que Lauda était déterminant dans la décision de ne pas courir. Est-ce qu'on peut penser que, du coup, l'association des pilotes va prendre un poids beaucoup plus important ? C'est la première fois que les pilotes sont un petit syndicat qui fonctionne vraiment. Oui. Cette fois, c'est sérieux. Parce qu'ils ont pu changer ça, ils ont fait arrêter le Grand Prix, quoi, on ne court pas. Mais est-ce que ça n'était pas un risque terrible pour la Formule 1, puisque jusqu'ici, on savait que, quoi qu'il arrive, les voitures partiraient. À partir de maintenant, est-ce que les gens, les nombreuses personnes qui se déplacent pour un Grand Prix, parfois on traverse l'Europe, parfois on traverse l'Atlantique, comme tu je le fais sais toi-même bien. Je sais bien. Il y a une chose nouvelle qui vient justement s'ajouter à ça, c'est la télévision. C'est, au fond, c'est ça qui va jouer un rôle déterminant. C'est les heures de transmission, les sponsors derrière. Alors, je ne sais pas quel combat Lauda peut livrer là, mais il en livre un. Je suis sûr qu'il défend les intérêts corporels des pilotes. Et en même temps, il est très attentif aux points de danger dans lesquels on place les spectateurs. Sauf pour le prince de Monaco, qui lui est l'endroit le plus dangereux, le pauvre, avec sa loge. Là. Ça, on m'offrirait de venir... voir le Grand Prix dans la loge princière, j'irai jamais. Ah, bon, pourquoi ? T'as pas vu où elle est ? Eh bien, Jean-Philippe, demain, sur France Culture, on entendra Patrick Tambay au cours de Au Bon Plaisir. Mais en attendant, pour le Grand Prix d'après-demain, un petit pronostic ? Oh, écoute, j'en aime tellement, les pilotes. Mais ce que je peux dire, c'est que Alboreto, qui est en tête du championnat du monde, il faudrait que les statisticiens fassent attention à l'évolution de la démographie en Italie, 9 mois après le dernier Grand Prix sur le circuit d'Adélaïde. Le grand cirque de la Formule 1, avec Laurent Condominas, Jean-Philippe Domecq, Jean Tinguely, Johnny Rive, André Velter. Les textes de José Rosinski, Sport Auto, Jean-Philippe Domecq, Le Calauda et Sirène Sirène, étaient lus par Laura Duke et Jean-Philippe Domecq. Nuit Magnétique, Alain Benoît, Jean Priso Moutongo, Mehdi El Hadj. Bonsoir. Cette émission a été diffusée la première fois le 20 juin 1985 sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.